Chapitre 18. Le carnaval du Wild. Durant 3 jours et 3 nuits, Kazan et Louve Grise vécurent sur la chair gelée du vieil élan, montant la garde auprès de lui en compagnie des 4 chiens qui avaient immédiatement reconnu Kazan pour leur chef. Louve Grise ne se souciait guère de cette société. Elle aurait préféré être seule avec son compagnon et plusieurs fois, elle tenta de l'attirer à sa suite dans la forêt. Mais chez les animaux comme chez les gens, l'orgueil est grand de dominer, et ce n'était pas sans plaisir que Kazan avait retrouvé son ancienne dignité et le temps oublié où il commandait aux chiens de traîneau. La température, cependant, s'adoucissait de plus en plus, et la chasse coutumière allait redevenir possible. Kazan la reprit durant la nuit du 4e jour et la conduisit avec entrain à la tête de la meute des 4 chiens. Pour la première fois, il avait laissé derrière lui sa compagne aveugle. Un jeune daim fut levé et forcé. Kazan lui sauta à la gorge et le tua. Et pas avant qu'ils ne se furent rassasiés, les autres chiens ne se permirent de goûter à la proie commune. Il était le maître, le tsar tout-puissant, qui les faisait reculer par un simple grognement. Au seul aspect de ses crocs, ils se couchaient tremblants sur leur ventre dans la neige. Louve Grise arriva une demi-heure après, triste, les oreilles pendantes et la tête basse. C'est à peine si elle goûta au daim. Ses yeux aveugles semblaient supplier Kazan de ne pas l'abandonner, de se séparer de ses intrus pour revivre avec elle la solitude passée. Ces instances demeuraient sans force, car les 3/4 de chiens qui étaient dans Kazan faisaient qu'il ne lui déplaisait point de se retrouver avec ses cousins consanguins en société desquels il avait si longtemps vécu. Il avait appris à haïr l'homme, non les chiens. Une autre influence contrebalançait maintenant celle de Louve Grise. 2 semaines s'écoulèrent ainsi. Sous la chaleur croissante du soleil, le thermomètre continuait à monter et la neige sur le sol commençait à fondre. Bientôt, Louve Grise sentit, pour la 2e fois dans ses flancs, une prochaine maternité. Mais en dépit de ses protestations, la petite troupe ne cessait de faire route vers l'est et le sud. Kazan et les chiens savaient que c'était de ce côté que se trouvait cette civilisation avec laquelle ils souhaitaient de reprendre contact. L'homme était dans cette direction, et il n'avait pas vécu assez longtemps de la vie du Wild pour que l'attirance du passé eût cessé complètement d'agir sur eux. Les 6 bêtes arrivèrent ainsi à proximité d'un des postes avancés de la baie d'Hudson. Comme elles trottaient sur une longue crête, quelque chose les arrêta. C'était la voix perçante d'un homme qui criait ce mot bien connu des 4 chiens et de Kazan. « Couche, couche, couche !» Au-dessous d'eux, en effet, ils aperçurent dans la plaine découverte un attelage de 6 chiens qui tiraient un traîneau. Un homme courait derrière, les excitant de ce cri répété « Couche, couche, couche !» Les 4 huskies et le chien loup demeuraient tremblants et indécis, avec Louve Grise qui rampait derrière eux. Lorsque le traîneau eut disparu, ils descendirent vers la piste qu'il avait laissée et la reniflèrent brusquement en grande agitation. Pendant près 1 mile, ils la suivirent, flanqués de Louve Grise qui, prudemment et inquiète d'une telle témérité, se tenait un peu au large. L'odeur de l'homme la mettait en un inexprimable malaise, et seul son attachement à Kazan l'empêchait de s'enfuir au loin. Puis Kazan s'arrêta et, à la grande joie de Louve Grise, abandonna la piste. Le quart de loup qu'il avait en lui reprenait le dessus et lui disait de se défier. Au signal qu'il en donna, toute la compagnie regagna la plus proche forêt. Partout la neige fondait, et avec le printemps, le wilderness se vidait de tous les hommes qui y avaient vécu durant l'hiver. Sur 100 milles autour de la petite troupe, ce n'étaient que trappeurs et chasseurs qui s'en revenaient vers la factorerie en apportant leur butin de fourrure. Leurs pistes multiples mettaient comme un filet autour de la bande errante qui avait fini par se rapprocher à une trentaine de milles du poste. Et tandis que la louve aveugle s'affolait chaque jour davantage de la menace de l'homme, Kazan finissait par n'y plus pouvoir tenir d'aller rejoindre ses anciens bourreaux. Il saisissait dans l'air l'âcre odeur des feux de campement. Il percevait durant la nuit des bribes de chansons sauvages suivies des glapissements et des abois de meutes de chiens. Tout près de lui, il entendit un jour le rire d'un homme blanc et l'aboiement joyeux de son attelage auquel l'homme jetait la pâture quotidienne de poissons séchés. Mille par mille, inéluctablement, Kazan se rapprochait du poste, et l'ouve grise sentait approcher l'heure où l'appel final, plus fort que les autres, lui enlèverait son compagnon. Dans la succursale de la compagnie de la baie d'Hudson, l'animation était grande. Jour de règlement de compte pour les trappeurs, jour de bénéfices et jour de plaisir. Jour où le Wild apportait son trésor de fourrure, qui serait expédié ensuite vers Londres et vers Paris et vers les autres capitales de l'Europe. Et il y avait cette année-ci, dans le rassemblement de tous les gens du Wild, un intérêt supplémentaire et plus palpitant que de coutume. La mort rouge avait passé, et maintenant seulement on connaîtrait, en les voyant ou en ne les voyant pas revenir, le nombre de ceux qui avaient survécu ou trépassé. Les Indiens Chippewayans et les Métis du Sud arrivèrent les premiers, avec leurs attelages de chiens hybrides, ramassés le long des frontières du monde civilisé. Après eux apparurent les chasseurs des terres stériles de l'Ouest. Ils apportaient leurs charges de peaux de caribou et de renards blancs, halés par une armée de hounds du Mackenzie, aux grandes pattes et aux gros pieds, qui tiraient aussi dur que des chevaux et qui se mettaient à piailler comme des roquets qu'on fouette lorsque les gros huskies et les chiens esquimaux leur couraient sus. Les chiens du Labrador, farouches et terribles entre tous, et que la mort seule pouvait vaincre, arrivaient des parages septentrionaux de la baie d'Hudson. Les Malmutes de l'Athabasca étaient énormes, avec une robe sombre, et les chiens esquimaux, jaunes ou gris, étaient aussi prestes de leurs crocs que leurs petits maîtres, noiraux et huileux, étaient agiles. Les Hounds, les chiens du Labrador, les chiens esquimaux, les Malmutes sont, comme les Huskies, autant de variétés de chiens de traîneau. Toutes ces meutes, à mesure qu'elles arrivaient, ne manquaient pas de se jeter les unes sur les autres, grognant, aboyant, happant et mordant. Il n'y avait pas de cesse dans la bataille des crocs. Les combats commençaient à l'aube avec les arrivées de traîneaux au poste, se continuaient toute la journée et le soir autour des feux de campement. Ces antipathies canines n'avaient pas de fin. Partout la neige fondante était maculée de sang. Au cours de ces batailles diurnes et nocturnes, ceux qui écopaient le plus étaient les chiens hybrides du Sud, issus et mélangés de mâtins, de danois et de chiens de berger, et les hounds lourds et lents du Mackenzie. Lorsque la neige liquéfiée fut devenue complètement impraticable aux traîneaux et qu'il n'y eut plus d'espoir de voir apparaître aucun nouvel arrivant, William, l'agent de la factorerie, put établir la liste définitive des hommes qui manquaient. Il biffa leur compte de ses registres, car il savait bien que ceux-là, la mort rouge les avait fauchés. Une centaine de feux de campement élevaient leur fumée autour du poste, et des tentes à ces feux allaient et venaient sans cesse les femmes et les enfants des chasseurs, qui, la plupart, les avaient amenés avec eux. Mais où ce remue-ménage fut surtout considérable, ce fut pour la nuit du grand carnaval. Durant des semaines et des mois, hommes, femmes et enfants de la forêt et de la plaine, hommes blancs et peaux rouges, jusqu'aux petits esquimaux qui en rêvaient dans leur hutte glacée, avaient attendu cette heure joyeuse, cette folle nuit de plaisir qui allait redonner quelque attrait à la vie. C'était la compagnie qui offrait la fête à tous ceux qu'elle employait ou avec qui elle commerçait. Cette année plus que les autres, Afin de dissiper les tristes souvenirs de la mort rouge, l'agent s'était mis en frais. Il avait fait tuer par ses chasseurs 4 gros caribous et, dans la vaste clairière qui entourait la factorerie, empilait d'énormes tas de bûches sèches. Sur des fourches de sapin hautes de 10 pieds reposait, en guise de broche, un autre sapin, lisse et dépouillé de son écorce. Il y avait 4 de ces broches, et sur chacune d'elles était enfilé un caribou tout entier qui rôtissait au-dessus du feu. Les flammes s'allumèrent à l'heure du crépuscule, et l'agent lui-même entonna le chant du caribou, célèbre dans tout le Northland. « Oh, le caribou, ouh, ouh, le caribou, ouh, ouh, il rôtit en l'air, oh, sous le ciel clair, le gros et blanc caribou, ouh, ouh. À vous maintenant, hurla-t-il, à vous et en cœur !» Et se réveillant du long silence qui, si longtemps, avait pesé sur eux dans le wild, hommes, femmes et enfants entonnèrent le chant à leur tour avec une frénésie sauvage qui éclata vers le ciel. En même temps, se prenant par les mains, ils mettaient en branle autour des 4 broches, enveloppées de flammes, la grande ronde. À plusieurs milles au sud et au nord, à l'est et à l'ouest, se répercuta ce tonnerre formidable. Kazan et Louve Grise, et les Outlaws sans maître, qui étaient avec eux, l'entendirent, et bientôt se mêlèrent aux voix humaines le hurlement lointain des chiens qu'excitait la sarabande infernale. Les compagnons de Louve Grise et de Kazan ne tenaient pas en place. Ils dressaient leurs oreilles dans la direction de l'immense rumeur et gémissaient plaintivement. Kazan n'était pas moins troublé. Il commença son manège ordinaire avec Louve Grise, qui s'était reculée en montrant les dents et qu'il tentait d'entraîner à sa suite, toujours d'ailleurs aussi vainement. Alors il revint vers les 4 Huskies. À ce moment, une bouffée de vent apporta plus distinct l'écho sonore du carnaval du Wild et ses ardentes résonances. Les 4 bêtes, oubliant l'autorité de Kazan, ne résistèrent pas davantage à l'appel de l'homme. Baissant la tête et les oreilles et s'aplatissant sur le sol, elles filèrent comme des ombres dans la direction du bruit. Le chien loup hésitait encore. De plus en plus, il pressait Louve Grise, tapie sous un buisson, de consentir à le suivre. Elle ne broncha pas. Elle aurait, aux côtés de son compagnon, affronté même le feu, mais point l'homme. La louve aveugle entendit sur les feuilles séchées un bruit rapide de pattes qui s'éloignait. L'instant d'après, elle savait que Kazan était parti. Alors seulement, elle sortit de son buisson et se mit à pleurnicher tout haut. Kazan entendit sa plainte, mais ne se retourna pas. L'autre appel était le plus fort. Les 4 Huskies avaient sur lui une assez forte avance et il tentait, en une course folle, de les rattraper. Puis il se calma un peu, prit le trot et bientôt s'arrêta. À moins d'un mille devant lui, il pouvait voir les flammes des grands feux qui empourpraient les ténèbres et se reflétaient dans le ciel. Il regarda derrière lui, comme s'il espérait que Louve Grise allait apparaître. Après avoir attendu quelques minutes, il se remit en route. Il ne tarda pas à rencontrer une piste nettement tracée. C'était celle où l'un des 4 caribous qui était en train de rôtir avait été traîné quelques jours auparavant. Il la suivit et gagna les arbres qui bordaient la vaste clairière où s'élevait la factorerie. La lueur des flammes était maintenant dans ses yeux. Devant lui, la grande ronde se déroulait échevelée. On aurait pu se croire dans une maison de fous. Le vacarme était réellement satanique. Le chant en basse taille des hommes, la voix plus perçante des femmes et des enfants, les trépignements et les éclats de rire de tous, le tout accompagné par les aboiements déchaînés d'une centaine de chiens. Kazan en avait les oreilles abasourdies, mais il brûlait d'envie de se joindre au démoniaque concert. Caché dans l'ombre d'un sapin, il réfrénait encore son élan, les narines dilatées vers le merveilleux arôme des caribous qui achevaient de rôtir. L'instinct de prudence du loup que lui avait inculqué Louve Grise livrait en lui un dernier combat. Tout à coup, la ronde s'arrêta, le chant se tut. Les hommes, à l'aide de longs pieux, décrochèrent des broches qui les portaient les énormes corps des caribous qu'ils déposèrent tout ruisselant de graisse sur le sol. Ce fut alors une ruée générale et joyeuse de tous les convives qui avaient mis au clair leurs coutelas ou leurs couteaux. Et derrière ce cercle suivit celui des chiens en une masse jappante et grognante. Kazan cette fois n'y tint plus. Abandonnant son sapin, il se précipita dans la clairière. Comme il arrivait, rapide comme l'éclair, une douzaine d'hommes de l'agent de la factorerie, armés de longs fouets, avaient commencé à faire reculer les bêtes. La lanière d'un des fouets s'abattit, redoutable et coupante, sur l'épaule d'un chien d'Esquimau, près duquel Kazan se trouvait justement. L'animal furieux lança un coup de gueule vers le fouet, et ce fut Kazan que ses crocs mordirent au croupion. Kazan rendit le coup, et en une seconde les mâchoires des deux chiens béaient l'une vers l'autre. La seconde d'après, le chien Esquimau était par terre, avec Kazan qui le tenait à la gorge. Les hommes se précipitèrent, pestant et jurant. Leurs fouets claquèrent et s'abattirent comme des couteaux. Kazan, qui était sur son adversaire, sentit la douleur cuisante. Alors remonta soudain en lui le souvenir cruel des jours passés qui avait fait de l'homme son tyran. Il gronda et lentement desserra son emprise. Comme il relevait la tête, il vit un autre homme qui surgissait de la mêlée, car, animés par l'exemple, tous les autres chiens s'étaient rués les uns contre les autres, et cet homme tenait à la main un gourdin. Le gourdin s'abattit sur son dos, et la force du coup l'envoya s'aplatir sur le sol. Puis le gourdin se leva à nouveau. Derrière l'énorme bâton était une face rude et féroce, éclairée par les reflets rouges des feux. C'était une telle face qui avait jadis poussé Kazan vers le Wild. Comme le gourdin s'abaissait, il fit un écart brusque pour l'éviter, et les couteaux d'ivoire de ses dents brillèrent. Pour la troisième fois, le gourdin se leva. Kazan, bondissant, happa l'avant-bras de l'homme qui le portait et lacéra la chair jusqu'à la main. « Tonnerre de Dieu !» hurla l'homme. Et Kazan perçut dans la nuit la lueur d'un canon de fusil. Mais il détalait déjà vers la forêt. Un coup de feu retentit. Quelque chose qui ressemblait à un charbon rouge frôla le flanc du fuyard. Lorsqu'il fut assez loin pour être certain de n'être point poursuivi, le chien loup s'arrêta de courir et lécha le sillon brûlant que la balle avait tracé, roussissant le poil et emportant un lambeau de peau. Il retrouva Louve Grise qui l'attendait toujours à la même place. Toute joyeuse, elle bondit à sa rencontre. Une fois de plus, l'homme lui avait renvoyé son compagnon.